Donc vous êtes toujours en direct sur Radio Zine avec un moment de pure émotion qui a complètement éclaté notre équipe. Emma a un peu de la peine à s'en remettre, mais je la vois qui s'approche fébrilement de la console pour lancer la suite. Voilà. Mais je te laisse peut-être l'annoncer ou le lancer. Oui, j'annonce. Donc Loïs Castellano, qui est du coup la même personne qu'Aya et Trophée Aban, qui nous fait une interprétation électronique des gros vents que l'on reçoit tous les matins. Donc Loïs, tu es venue ici pour nous présenter du coup une pièce que tu as réalisée avec un ami saxophoniste dont je n'ai pas le nom. Alors attends, parce qu'il faut d'abord que je monte ton micro. Ouais, tout à fait. Voilà. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, trop, vraiment. Ça fait un bien fou la cornemuse. Piou ! Et donc tu as réalisé une pièce que vous avez appelée le Khamsin. Je vais te laisser présenter ça et après on va l'écouter. Ouais, du coup c'est un morceau que j'ai composé avec un ami saxophoniste, Michael Pellegrini, avec comme première intention de parler des idées noires. Et puis, quand Emma, tu m'as proposé de participer à cette radio, j'ai commencé à chercher des infos sur le vent et tout ça. Et je suis tombé sur ce vent, le Khamsin, qui est donc un vent qui part du désert d'Égypte, qui passe en Palestine et qui termine sa course au Liban. Et j'ai repensé à ce morceau et je me suis dit, ah tiens, ça colle bien. Il y a un truc aussi à un niveau personnel. Pour ce qui se passe en Palestine, une envie de participer ou de faire quelque chose avec un peu la pudeur de ma position de personne blanche, pas forcément impliquée de la même manière, mais avec cette sensibilité-là. Et du coup, j'ai appelé un ami qui vit au Liban, à Beyrouth, pour parler de ça, voir s'il avait des anecdotes à me donner ou quelque chose dans le genre. Et il me dit, comme ça, ça ne me dit rien, mais c'est donc un vent qui est censé se passer maintenant. Et il me dit, mais il y a quelques jours, on a eu un vent qui a ramené une espèce de poussière verdâtre un peu dans tout Beyrouth. Et ce qui se dit un peu là-bas, c'est que, ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est que c'était un vent qui était chargé de la guerre en Palestine. Et du coup, de nouveau, je me dis un peu, ah waouh, en fait, il y a tout qui s'aligne un peu d'une manière que je trouvais assez juste. Et j'ai reçu un autre message de Jade hier, donc qui vit à Beyrouth, et qui me dit, en fait, le Khamsin, il commence demain, donc aujourd'hui. Et ce morceau passe aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que c'était cool de venir en parler, de le présenter comme ça. Et voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais le diffuser maintenant. Ouais. Merci. C'est trop beau. Thank you. Et voilà, c'était donc la pièce Khamsin de Loïs Castellano et Michael Pellegrini. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste, donc, avant de passer à la méditation intranquille, où nous retrouvons encore la fine équipe, Revifer X, OBC et 7. Trop stylé. juste vous prévenir qu'en fait, aujourd'hui, on ne va pas réussir à vous diffuser le partage d'écoute en direct, parce qu'on a un petit souci technique. Par contre, le partage d'écoute est bien entendu enregistré. Vous pourrez le retrouver cet après-midi sur le site archipel.org, sur la page de la radio, dans les archives. Voilà, c'est le partage d'écoute de Marco Blau.